tous et bienvenue pour ce numéro spécial d'Impact Wrestle spécial, bien évidemment, Bound for Glory qui a eu lieu dimanche dernier. Alors là, une belle équipe quand même, hein. On a un enregistreur, un guest enregistreur qui sera pas au micro avec nous parce qu'il travaille, c'est Vincent qui enregistre. Mais sans plus attendre, voici mes chroniqueurs. Salut Sébastien. Salut Gus, ravi d'être présent comme à chaque fois pour Impact Wrestle. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je voudrais juste dire quelque chose. On a enregistré quelque chose de 15 minutes. On a dû recommencer parce que l'enregistrement, eh ben, il a foiré tout simplement. Donc du coup, on est forcé de tout recommencer. Nous, on vous dit tout à Wrestle Radio. On est sympa. Salut Broussi. Oui, merci de tout dire, en effet, oui. J'ai pas dit que c'était ta faute, hein. Non, ça arrive. Je sais, mais bon. Non, mais c'est vrai, on a plongé dans des coulisses. Par exemple, là, au début de la semaine, c'était ton anniversaire. 20 ans. Pas du tout. Mais si, ça passe si caché que ça. Vous vous trompez, monsieur. Le 15, là, justement, le lendemain de Bound for Glory, c'était ton anniversaire. C'est pas faux. C'est pas faux. MP, le Canada est avec nous. Et oui, tu brises le kayfabe encore une fois. Ça, il y a tout le monde qui le sait, rien que quand on entend parler. Ça, c'est clair. C'est pas vraiment de kayfabe, là. Aussi, tu as brisé le kayfabe de l'enregistrement qu'on refait une deuxième fois. Ah, ça, c'est pas grave, ça. Justement, on dit tout à nos auditeurs. On dit tout. On est comme ça, nous. Et le bisu du podcast, il fait ses débuts dans Peg Bressel, c'est Tifo. Salut, Tifo. Eh ouais, salut à tous, c'est un petit peu mon dépucelage de Impact Wrestle ce soir. Ah, puceau. Allez, c'est parti, on va pouvoir passer donc à l'analyse de Bound for Glory, on va lancer un petit jingle et on se retrouve juste après. I'm gonna hit you right where it hurts. I'm gonna give you everything that you deserve. If you need attention, something to say. Let's hear your confession. I am just too hard to break. Bring it, bring it. I'm still right here undefeated. Say whatever you want. Really don't mean anything. Bring it, bring it. If there's no fear, let me see it. There is nothing you got that will ever get to me. Allez, c'est parti. Bien évidemment, passer donc au premier match de cette soirée. Ça a duré 8 minutes et 4 secondes. C'était pour le titre de la X Division et Rob Van Dam a battu Zima Ayon. Comment détruire la division par équipe, messieurs? J'ai dit ça il y a un quart d'heure. Mais bon, il y a un quart d'heure, alors j'ai dit que forcément la X Division arrive toujours parfois à se brûler les ailes. On avait eu Abby champion il y a un peu plus d'un an, et là c'est Van Damme. As-tu visé quand? Je voulais dire il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai dit il n'y a pas 6 mois sans faire exprès. Ah oui, c'est pour ça, mais j'ai cru comprendre. Non, il y a 6 mois, c'était Austin Harris, donc là, c'était quand même pas mal. Mais voilà, c'est sûr que bon, Zima Ayon est très inexpérimenté encore, il est tout neuf, tout jeune, son règne ne pouvait pas durer très longtemps, et face à une aussi forte pointure que Rob Van Damme. Il n'y avait que lui d'ailleurs que le public connaissait à Phoenix, donc logique vainqueur. Bon, moi le match est propre et pas brouillon. Ça, c'était ça ma crainte, mais heureuse surprise au moins sur le contenu du match. Voilà. Parole à Sébastien. Alors, si on exclut la construction du match qui est véritablement horrible, c'est vrai qu'il y a de quoi être satisfait au niveau in-ring avec de bonnes prises pour débuter le show, je trouve. Bien sûr, le résultat laisse à désirer parce que Rob Van Damme n'a pas vocation à ce moment-là de sa carrière à être X-Division Champion. Donc, petite déception de ce côté-là. Et je rappelle que tu as dit ça il y a un quart d'heure. Exactement. Et moi, il y a un quart d'heure, je disais donc que je suis d'accord avec vous, messieurs, et que c'est vrai que donner le titre à Rob Van Damme, ce titre-là à Rob Van Damme, ça n'a pas lieu d'être. Et voilà, hein, c'est bon, le match est quand même plutôt sympathique à voir, ça lançait bien le show. Et MP, il y a un quart d'heure, il a dit ça. Et oui, il y a un quart d'heure, je disais que même si Rob Van Damme gagne le titre, je disais que pour moi, selon moi, Zima Ayon aurait dû garder ce titre. Mais Rob Van Damme, quand même, va peut-être, avec ce titre, pousser un jeune dans l'avenir, quoi. si jamais un jeune gagne le titre contre Ram Van Dam, qui est quand même une certaine légende dans le monde de la lutte, ben, ça va peut-être le pousser, quoi. Donc, c'est peut-être une bonne nouvelle à long terme, mais en ce moment, on se dit plutôt que Marianne perd son titre contre un vieux comme Ram Van Dam, et c'est pas vraiment une bonne nouvelle en ce moment. Donc. Mais je vous rejoins, bon opener. Comme Sébastien, oui, les constructions un peu désirées, à désirer, parce que justement, c'est un travail, je crois, sur le coup de RVD qui est pendant le match fait par Zimarion, mais le retour de RVD s'est quand même fait très rapidement. La fin est un peu venue de nulle part. Donc, ça, c'était un peu plus moyen de ce côté-là, mais c'était quand même un bon match. Lifelying, The Cruiserweight qui a quand même bien passé la soirée, je pense, pour les gens à Phoenix. Et le bisu du podcast, c'est un quart d'heure, donc je parle de Tifo, bien sûr. Il y a un quart d'heure, Tifo disait ça. Et oui, le bisu, il y a un quart d'heure, il disait que dans ce match, il y avait des bons petits mouvements, que c'était un bon opener, mais match un peu court, avec peu de rythme, et que, comme la plupart l'a dit avant, il n'y avait pas beaucoup de construction. Mais oui, c'était un bon opener, mais je regrette simplement la victoire de Rob Van Dam, même si je ne suis pas du tout la TNA. Voir Rob Van Dam débarquer et prendre le titre de la X Division Championship, pour moi, ça signifie rien, parce qu'il y a un quart d'heure, Seb me disait qu'apparemment, il y avait une limite de poids au niveau de la X Division. Oh, donc, ça, j'ai quelques objections. C'est assez bizarre quand même, parce qu'on a quand même eu Samoa Joe champion de la X Division. Moi, je pense que c'est plutôt une affaire de style. C'est Douglas Williams aussi qui n'était pas non plus un petit gabarit particulièrement. Donc. En fait, la limite de poids a été instaurée à partir du moment où Abyss a été X Division Champion, en fait. On ne voulait plus que cela se reproduise. Et donc, Hogan est venu à Impact et il a dit « En dessous de ce poids-là, tu ne peux plus participer. » Et voilà. Ah d'accord, bon. Ça c'est une bonne info, parce que j'avais oublié. Ça, on ne l'avait pas dit un quart d'heure. Non, mais ce que dit Hogan... Si on l'a dit un quart d'heure. Ce que dit Hogan est à prendre avec un grain de sel quand même. Hein. On se rappelle que Devon devait défendre son titre chaque semaine. Hein. Oh yeah, ça c'est une vieille histoire. Et donc, on verra ça d'ailleurs, tiens. T'anticipes les choses là, MP. Et il y a un quart d'heure, j'avais oublié. J'ai un peu bugué, messieurs. Donc... Il y a un quart d'heure, t'avais pas bugué. Non, il y a un quart d'heure, en plus, j'ai pas bugué, c'est pas faux. Donc, je disais, donc, on va vous donner les réactions d'auditeurs sur Facebook. Et il y a un quart d'heure, donc, je disais que Mathieu Hébourg avait dit, et c'est super génial que RVD ait remporté le titre. Et il y a un quart d'heure, j'ai oublié Maxime Tavernier qui nous parlait également de Rob Van Dam. Il nous dit, pay-per-view très intéressant, Rob Van Dam, nouveau champion X Division. Voilà, c'est tout ce qu'il dit sur ce combat-là. C'est justement un symbole, parce que c'est un nom, donc c'est essentiellement ça qu'il est champion. Voilà. C'est exactement ça. Donc il y a un quart d'heure, je vous demandais si vous vouliez passer à la suite. Vous m'aviez répondu à cette fois-ci, oui. Et Brusty avait dû couper l'enregistrement pour regarder si ça marchait. Heureusement qu'on a coupé, parce que ça n'avait pas marché. Alors, donc du coup, on va vraiment passer à la suite, messieurs, cette fois-ci, avec ce deuxième combat. Le match qui a duré 9 minutes et 15 secondes, c'est pour le TNA Television Championship entre Magnus et Samoa Joe. Le champion a conservé son titre assez logiquement. Ça vient à peine de récupérer le titre. Parole à MP. Et oui, Samoa Joe qui conserve son titre, comme Dugus l'a dit, dans un match quand même aussi, je dirais, presque plaisant que le premier match, l'opener. Et je pense que c'était un match qui a été. Samoa Joe, moi j'ai toujours du plaisir à voir dans un ring. D'ailleurs, je pense que je parlais avec Brusty il y a quelques jours. Tu m'avais dit plutôt que Samoa Joe, c'était toujours un catcheur qui était plaisant à voir dans un ring. Donc je partage complètement ton opinion. Samoa Joe donne toujours des matchs de qualité pour moi. Et contre Magnus, on sait que Dixicateur l'apprécie bien, c'est pour ça que justement il y a souvent ces spots-là aussi dans les cartes. Mais je pense que Magnus a quand même un certain talent de prouver cette fois-ci. Aussi, Magnus, c'est mon jeu, on l'a peut-être pas nécessairement vu dans ce match-là, mais Samoa Joe et Magnus ont une certaine chimie pour avoir été partenaires par équipe plutôt cette année. Je ne veux pas me tromper parce que je ne suis pas sûr de l'information que je vais dire, mais Samoa Joe et Magnus, je pense, sont toujours champions à la Noah. Je ne sais pas si Bruce pourrait me confirmer, mais... Dernière nouvelle, il me semble. Il me semble, donc, ouais. Je crois qu'ils sont toujours champions. J'ai loupé un épisode, mais il me semble bien, oui. Pas une nouvelle sur ça, donc ils doivent l'être encore, oui. Donc, ouais, champion par équipe à la Noah, c'est quand même une chose aussi. Donc voilà, je pense que ça a été un match qui était plaisant à suivre. Comme deuxième match de soirée, ça continuait cette lancée qu'on avait donnée au premier match. Et c'était très agréable à voir. Un match qui a été pas trop long, pas trop court non plus. Donc c'était parfait pour moi comme deuxième match de soirée. Là, c'était ce qu'on pouvait avoir de mieux, quoi. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi. Après, au niveau de la suite de l'opener, foutre les deux matchs pour les titres mineurs en opener, je trouve ça plutôt comme étant une erreur. J'aurais plutôt mis un match sans jeu pour ce deuxième combat, pardon, et plutôt qu'un match pour le titre. J'aurais plutôt mis le Joe Ryan face à Snow, par exemple, plutôt que ce combat-là. Oui, on est d'accord. Oui. Et voilà. Hein, tout. Parole à Sébastien, je sais plus si je t'ai donné la parole. Non, tu viens de le faire la seconde. Voilà. Non, moi le match était un des matchs que je voulais le plus voir de toute la carte. C'était pas forcément le match le mieux construit, mais en tout cas c'était une belle affiche. Samoa Joe contre Magnus et deux bons catcheurs. Donc que tu les réunis ensemble dans le même ring, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Là, le match à Bound for Glory, je dois avouer qu'il était un peu en dessous de mes attentes. J'attendais un petit peu plus de ce combat, mais ça reste quand même plutôt solide à voir. Et résultat logique. Et voilà, c'est bien. Pour passer à la suite de la soirée, c'est correct. Et Tifo ? Ouais, alors déjà, c'est bien que vous m'ayez dit que Samoa Joe et Magnus étaient champions à la Noah. Parce que moi, dans ce match, justement, j'ai trouvé que l'alchimie entre les deux, elle était très très bonne. Et donc tout ça, ça a donné un bon match, un peu court on va dire, mais je pense que le fait que le match a été court était bien, car comme ça le rythme n'a pas eu le temps de redescendre. Et après, moi je reviens aussi sur MP qui disait, et Brousty qui disait que Samoa Joe donne toujours des bons matchs. Je suis totalement d'accord, parce qu'à chaque fois que je vois des matchs de Samoa Joe, pour moi c'est toujours du très très bon. Pourtant il a un gabarit assez imposant, on va dire, mais il se démerde vachement bien. Donc ouais, c'est super plaisant à voir. Donc bon match. Bah oui, voilà. Donc là, je vais suivre tout à fait là ton analyse, enfin les analyses globales. Moi, j'ai bien apprécié. Bon divertissement. Le suivre en live, c'était très intéressant aussi, parce qu'on voyait le rythme qui augmente au fur et à mesure, la foule qui rentrait dedans. Et non, ça fait plaisir évidemment. Bon, c'est un Wajo quand même qui a un début de règne plutôt décent. Il a quand même déjà conservé sa ceinture contre Mr. Anderson. Il a gagné contre Mr. Anderson, conservé contre Van Damme. Et donc conservé contre Magnus. Donc ouais, non, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, c'est le seul titre qui change pas rien là ce soir-là. Et vraiment, non, c'est intéressant. Ça montre enfin que Joe, voilà, il peut. Avoir enfin le rôle qu'il mérite, on va dire, enfin au moins de pouvoir fournir un match à Bound for Glory, quoi. Voilà. Alors on n'a pas de réaction sur Facebook concernant ce match-là. Alors messieurs, je vous propose de passer au match suivant. Ouais. J'attends toujours des réponses. Vous savez, je veux votre réponse avant de pouvoir passer à la suite, au cas où vous avez toujours des choses à dire. Oui, tu le veux. Oh, c'est mignon. Allez, c'est parti. Un match qui a duré 17 minutes et 35 secondes entre Bobby Roode et James Storm, l'ancien team Beer Money. C'était donc un street fight match avec King Mo en special guest enforcer. Mo a servi à rien, qu'on le dise de suite. Hein. Et James Storm, a remporté ce combat assez logiquement pour conclure une feud qui durait depuis très très longtemps. Alors, Seigneur Varini, Grégory Diz, qui était avec nous la semaine dernière, disait que tout le monde pensait que ce match-là serait le main event de Bound for Glory pendant des mois et des mois et des mois. Finalement, non. Après un retournement de situation complètement du côté de la TNA, on n'a pas eu ce match-là en main event, mais on l'a eu quand même dans un bon street fight match. Moi, je me suis bien amusé en regardant ça. En plus, j'aime bien... en général, j'aime bien les matchs saignants, donc c'est pour ça, c'est ce qui me manque actuellement à la WWE. J'aime bien le hardcore. Et je dois dire que j'étais assez surpris de ce combat-là, bien mis en scène. Par contre, l'utilisation de King Mo est vraiment réduite à néant. Il a servi à rien, quoi, mis à part être là sur le côté, dire coucou à la caméra quand il passait à la télé, quoi. Je vais donner la parole à Tifo. Ouais, comme tu l'as dit, en fait, ce match, c'était une boucherie, quoi. Rien qu'à voir le visage de James Storm complètement en sang. Mais franchement, qu'est-ce que c'est bon, les matchs comme ça. On n'en fait plus beaucoup maintenant. Donc, ouais, j'ai pas boudé mon plaisir. Au début, j'ai eu un peu de mal sur le match parce que ça a mis un petit peu de temps, je trouve, à venir. Mais après, c'est monté avec une énorme intensité. Et puis, bah, au final, ça donne un super match. J'ai pas vu le temps passer. Donc, quand je vois pas le temps passer, moi, ça veut dire qu'un match est très bon. Mais j'avais plus l'impression de voir un match hardcore plutôt qu'un street fight. Le problème des street fights aujourd'hui dans les deux plus grosses fédérations au monde, que ce soit la WWE ou la TNA, c'est qu'un street fight match, qu'on soit d'accord, c'est des matchs de rue. Et ils sont pas habillés comme s'ils étaient dans la rue. Pour moi, un street fight, le mec, bah, il doit être habillé d'un jean et d'un t-shirt. C'est ça un street fight pour moi. Le problème, donc c'est ça, que là, ils sont plus proches du hardcore. Ouais, voilà, c'était un hardcore match transformé en un street fight match transformé en hardcore match pour le coup. Parce que les punaises dans un street fight, ouais, c'est rare. Ah enfin, oui, ça n'existe pas même. J'ai envie de dire, on s'en fout. Mais Non, mais c'est pour l'anecdote, quoi. Ça sert à rien d'adapter un street fight match s'ils sont pas habillés pour. Enfin, non, mais hardcore, un street fight. Ce que je veux dire. PMP, c'est toi qui a pris la parole. J'ai adoré ce match. Franchement, c'était un des meilleurs matchs chauds. Peut-être un petit peu en dessous du RD Aries, mais même là, c'est une fin de feu qui est presque dire un an quand même. On se rappelle la prise de titre de Bobby Roode. Je crois qu'on a été montré aussi dans la vidéo juste avant le match, si je me rappelle bien. Donc oui, un gros match. Gus, tu parlais tout à l'heure justement de l'utilisation de King Mo dans ce match-là, qui ne servait à rien. Ben, j'ai envie de dire, c'est un peu la meilleure chose qui pouvait arriver parce que si King Mo aurait eu un rôle déterminant dans ce match-là, ben, ça aurait un peu cassé la feuille un peu selon moi. Donc, je veux dire, ça devait se régler entre ces deux-là. Ça devait se régler entre James Storm et Bobby Roode sur un an de dispute. Quoi. Ça devait se régler à Buffalo Glory dans le plus gros show de l'année. Bon, mon seul vraiment point faible, c'est la position du match sur la carte, finalement. Parce que mettre ce match en troisième match, au moins, ça méritait peut-être d'être le premier event, ou en tout cas, vers la fin de la carte, du moins. Parce que le troisième match de la soirée, c'est dans la première heure, quoi. D'après moi, ça ne mérite pas d'être autant loin sur la carte, disons, du terme, si on va un peu à l'envers, si on commence par le main event, donc c'était très loin. Disons que c'était le main event de la première heure, quoi. Oui, mais je sais pas, moi j'ai toujours un peu. Quand on regarde un show de lutte, j'ai envie de dire que tu mets toujours tes plus gros matchs vers la fin, quoi. Ça, si tu avais une rivalité d'un an, tu la mets sur le troisième match de ton pay-per-view, ben. Selon moi, ça ne fonctionne pas de cette manière-là, mais bon, ça fait un grand match pareil. Ça fait un match qui venait clore cette rivalité, d'ailleurs, avec le symbole de bouteille de bière qui ressort en fin de match. J'ai beaucoup aimé aussi le spot des punaises à la fin, ce super kick qui fait arriver Roode dans les punaises aussi. Un merveilleux finish. Peut-être. J'ai envie de dire un peu d'accumulation de finish et je crois que Roode a été projeté sur des punaises un moment vers la fin du match. Puis il s'est relevé à deux. Tu sais, je veux dire, dans un match normal, quand tu te fais amener sur des punaises, ben, ça se peut que tu ne te dégages pas justement parce que c'est un gros move. Mais là, après un an de rivalité, ben, je peux comprendre pourquoi c'est arrivé ainsi. Et j'ai envie de dire, c'est comme ça qu'une feuille d'un an devrait être faite. Et c'est un grand exemple d'une longue feuille dans ce monde d'aujourd'hui où est-ce que les feuilles peuvent durer seulement un, deux mois. Ben là, c'est un grand exemple de la TNA de monter une feuille sur un an. Donc voilà pour mon analyse de ce match-là. Alors bien évidemment, MP a fait du MP, du très long et du très très bon aussi. Tu peux boire un coup, MP, c'est bon. Je vais donner la parole à Brousty. Bah, je vais suivre globalement là, ce qui était dit déjà précédemment. À la nuance que moi je pense même que c'est le match qui a volé le show. Bah, malgré ce que j'ai mis comme note, moi je le trouve même supérieur au main event. Mais merci. Bon, après, oui, je suis. Oui, mais je serais beaucoup moins critique que toi au main event. C'est supérieur, mais de très peu vraiment. On verra. Voilà, ouais. Mais non, vraiment, bon, c'est sûr que là, Gus, justement, tu disais le fait qu'ils n'étaient pas en vêtements de ville, ça faisait bizarre pour un street fight, mais sinon la stipulation, c'est un modèle du genre, l'utilisation. Ouais, tous les objets y sont passés, à peu près, tous les objets traditionnels. Bah, y a même l'ajout donc, des punaises, façon Abyss d'ailleurs. Et donc, non, vraiment, c'est un modèle du genre, ça dure plus d'un quart d'heure, c'est un grand plaisir, évidemment. J'avais peur que Kimmo parasite l'affaire, bon, il est intervenu une fois, c'était pas un parasite d'ailleurs, c'était plutôt pas mal, mais bon, de toute façon, ça m'a pas surpris, sa participation n'a été noire aussi, parce que Atiene a l'habitude, à chaque fois, Bound for Glory, elle amène en général un spécial enforcer, une espèce de célébrité. Bon, lui, il est un peu moins que d'autres par le passé, parce que c'est toujours un mec de Skype, de Spike, qui vient, en gros, voilà, pour être à l'écran, voilà, c'est tout. Mais non, vraiment, un gros match, peut-être le match du show, et c'est vrai qu'il aurait mérité d'être en deuxième heure. Et Sébastien, après, je passerai aux analyses, enfin, aux réactions des fans. J'avais aussi quelques craintes par rapport à l'implication de Kimmo, parce que ces dernières semaines à Impact, on voyait plus Kimmo que la rivalité en elle-même. Donc ça me gênait déjà beaucoup. Et donc je suis content finalement que cette implication se limite à un spot avec l'arbitre insignifiant dans le combat. Après, j'ai aussi noté que Tifo parlait de boucherie pour le combat. Et là, dans cette situation, je trouve que c'est justifié, étant donné que c'est une rivalité qui est construite comme étant personnelle. Et ce n'était pas une rivalité qui a été basée sur du business, enfin, je ne sais pas comment le dire véritablement. Et en tout cas, la stipulation n'est pas placée là par hasard. Elle se justifie très bien dans ce contexte. Un très bon combat. Et c'est vrai qu'on en demande à en voir plus, alors que c'est rare actuellement. Allez, donc, bien évidemment, donc, la réaction des fans, personne n'a donné son avis sur ce combat-là. Je suis étonné. Si. J'ai une réaction de Rio et Patron. Il marque énorme combat. Ah oui, énorme combat entre Bobby Roode et James Storm, sans aucun doute, le match de la soirée. Je l'avais pas vu, effectivement. Est-ce que vous voulez passer au match suivant, messieurs? Oui, on veut, Gus. Ah, merci. Il y a oublié la deuxième partie du message de Del Rio. Regarde le tout dernier. Ah oui, ils disent ce que je pense. Ah, et King Mo, ça a rien. Pour le moment, en tout cas. Voilà, donc c'est parti, on va pouvoir donc passer au quatrième match de la soirée. Peut-être bien le plus mauvais match de cette soirée. Entre Al Snow et Joey Ryan, c'était simple. Si Joey Ryan remportait ce combat, il gagnait le droit d'avoir un contrat avec la fédération. Ça a duré 8 minutes et 32 secondes. Et Joey Ryan l'a emporté grâce à une intervention de Matt Morgan, qui faisait son retour, je crois. Non, c'est ça. Ouais, oh non, mais ça c'est bizarre, le Matt Morgan. Hein. Bah, il a disparu des. Bah, ouais, bah, il a disparu des écrans. Il y avait des rumeurs donc qu'il était plus à TNA, qu'il avait fait un retour peut-être à WWE. Mais bon, en fait, il réapparaissait dans des shows dernièrement. Et en fait, bon, l'histoire, on va dire, elle est vraiment tordue. Il faut suivre Impact. Et encore, vraiment tordue. C'était en gros un segment en coulisses, enfin, pour faire le lien. Hein. C'est un segment en coulisses où Bruce Pritchard est allé voir Al Snow. Il lui a montré une vidéo sur l'iPad qui montrait Matt Morgan qui détruisait Robbie. Et Pritchard, il disait que c'était un peu l'affaire d'un malfaiteur, quoi, parce que Morgan n'avait pas le droit justement d'être à Al Snow. Donc, c'est une réponse en gros. Oui, alors juste une chose concernant Joey Ryan. Alors, c'est le type, je crois qu'il est une gimmick de merde, mais de merde. C'est une gimmick de pervers qu'il a. Bah, disons que, ouais, peut-être là, niveau mouvement, c'est vrai qu'il en surjoue beaucoup, c'est sûr. On dirait un pervers qui en manque de sexe depuis des mois et des mois et des mois, là. Ça craint. Il y a quand même des gosses qui regardent, quoi. Oh, non, non, à TNA, tu sais à non, quoi t'attendrais. Non, mais attends. Il va le venir, il n'y a pas bien longtemps, donc après tout. Non, mais attends, c'était limite à se demander s'il a enlevé son slip et se mettre à poil au bout d'un moment. Ouais. C'est bon, quoi. Tifo. Ouais, bah, ce match, c'est digne d'un match weekly qui est relou à regarder. Après, on a juste à retenir l'intervention de Matt Morgan, pardon. Mais sinon, ouais, enfin, moi, ça m'a fait chier. Voilà. Merci, MP. De rien. Pour parler de ce match-là, je tiens à dire que je ne partage pas les propos de Gus dit sur ce match, sur Joey Ryan surtout, pour spécifier déjà en commençant. Sinon, ce match-là, bah oui, c'est un match, je dirais pas anecdotique, mais plutôt un des matchs qui m'a moins marqué sur cette carte, parce que c'est un match qui était un peu mal bâti aussi, si on revient au début de l'histoire avec... sinon, c'est le seul qui avait dit oui pour que Joey Ryan reste à la TNA. Et finalement, c'est Joey Ryan qui va se battre contre Asno, qui est le seul à l'avoir favorisé finalement. Au début, je crois que c'était supposé être Joey Ryan contre Taz, mais Taz ne pouvait pas combattre en fonction de ses conditions. Donc là, voilà, ça a été un peu une rivalité qui a été un peu faite de façon bizarre et qui a changé de ses circonstances. Mais c'est un match qui est quand même... Je m'attendais à pire, sérieusement. Alors, sinon, je ne croyais pas en autant bonne forme. Je dis bonne forme, c'est pas non plus un mec qui pourrait monter sur les rings toutes les semaines. Ça, je dirais pas ça non plus, mais pour ce match-là, c'était correct. C'est pas un grand match. Un finish qui est allé un peu de nulle part aussi avec Matt Morgan. Mais j'aime bien cette association, en tout cas, qui a l'air d'être effectuée avec Joey Ryan et Matt Morgan. C'est à voir comment ça va aller. Puis j'aime énormément le personnage de Joey Ryan. C'est quelque chose de différent qu'on voit pas tous les jours dans les fédérations de catch. Donc, c'est déjà bien d'avoir un personnage différent comme Joey Ryan. Et finalement, ce match-là, c'est pas un des grands matchs de pay-per-view, mais je veux dire, c'était pas si mauvais que ça non plus. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que Joey Ryan va faire avec la TNA, va faire à la TNA avec Matt Morgan. Ça reste à voir dans les prochains packs. Et Sébastien, je sais plus si je te donnais la parole sur le match. Non. Voilà. Bah, moi, j'ai vraiment pas envie de voir le match, comme chacun d'entre vous. Est-ce que t'as vraiment envie de voir un combat entre un type qui n'a plus catché depuis 2 ans et une personne qui a fait un seul match à Impact? Franchement, une personne qui a fait un seul match à Impact et qui a une gimmick de pervers, non, pas tellement. Et qui a perdu en plus son match. Non, il a gagné. Ah, Impact. Ah, oui. Impact. Ouais, mais il y avait une histoire comme quoi il s'était fait voler, non? Non, mais le match était perdu contre Austin Aries. Donc c'est quand même pas rien. Oui, bon. Ouais. Bah oui, surtout qu'il me semble que même le titre X-Division, je suis même pas sûr, mais il était peut-être même en jeu. Non, je suis peut-être pas sûr ça. Non, je crois pas. Alors, mais en gros, non, mais juste pour finir rapidement, là, en fait, le paradoxe du match, c'est quand même que Al Snow, c'est quand même le gars lors du gut check qui avait dit oui, que Ryan ait le contrat. Et c'est lui que Ryan affronte. Vraiment un truc paradoxal. Alors, il y a une seule réaction sur ce combat-là, c'est Del Rio El Patron qui nous dit « Sinon, Al Snow est capote. » Merci à toi. On va pouvoir passer au match suivant, messieurs, le match pour les titres par équipe. Ça a duré exactement 15 minutes et 39 secondes. Alors, c'était un triple threat tag team match entre donc Chavo Guerrero et Hernandez qui sont devenus champions. Et ils ont battu The World Tag Team Champions of the World, Christopher Daniels et Kazarian. Oula, attends, les champions du monde Oui. Bah, c'est marqué, alors attends, c'est marqué The World Tag Team Champions of the World. Ah, là, bah là, c'est Christy Emmy. Ça, c'est une annonce typiquement Christy Emmy, l'annonceuse des combats. Oui, voilà, c'est elle avait fait ce coup-là. Ouais. Le champion du monde, oui. Oui, c'est ce qui a marqué sur ma feuille, écoute. Hein. C'est Wikipédia anglais qui font engueuler, pas moi. Je vais essayer de la refaire. The World Tag Team Champion of the World. Non, j'y arriverai pas. Donc, ils ont également battu Adjestal et Kurt Angle, hein, messieurs. Je pense que les deux derniers cités vont repartir en solo, à mon avis, pour pouvoir affronter, pourquoi pas, Jeff Hardy dans un futur proche. Et ouais, bah, bon match. Hein. Bon match par équipe. Bon, on est loin du. Alors, je vais quand même donner la réaction vite fait de Del Rio, le patron. Pour une fois, j'ai envie de commencer par ça. Alors, parce qu'il nous donne une belle analyse quand même. Il nous dit exactement. Le combat avec les trois teams, j'en entendais beaucoup plus. On est loin du 5 étoiles comme annoncé par certains spécialistes. Tifo. Je suis pas trop d'accord, moi, avec Del Rio et le patron. Faudrait peut-être l'inviter un jour, ce mec, parce que c'est le seul à réagir, en fait. Ouais, mais sinon, le match, au début, le rythme était tranquille. Mais après, je trouve que c'était vraiment monté crescendo à partir du moment où Kurt Angle, il enchaîne ses German Suplex. Je trouve qu'à partir de ce moment-là, ça a commencé vraiment à partir un peu partout. La folie, moi, que j'attendais de ce match est vraiment arrivée. Donc, ouais, super convaincu. Enfin, après, c'est pas étonnant avec des mecs comme AJ Styles, Kurt Angle, Chavo et tout ça. Et techniquement, ce match était très, très bon. Et ouais, donc voilà. Après, je suis un peu surpris, moi, sur le résultat. Je pensais pas voir Chavo et Hernandez prendre le titre. Bon, après, ça me dérange pas plus que ça. Donc, ouais, moi, j'ai trouvé un très bon match. Voilà, Sébastien. Ben, apparemment, le résultat de ce match a été fait puisque Chavo Guerrero vient de l'endroit en fait, où le show s'est déroulé. L'objectif, c'était de satisfaire la foule, en quelque sorte, en offrant une victoire à Chavo et les ceintures. Mais ce que la TNA n'avait pas prévu, c'était que la foule n'était majoritairement contre Chavo Guerrero. Ils étaient plus à soutenir Kurt Angle et AJ Styles, comme moi d'ailleurs. Donc je trouvais que ce changement de titre était un petit peu forcé et qu'il n'y avait pas forcément raison d'être. Après, pour le combat en lui-même, je trouve que le démarrage a été plutôt lent. Mais après, les 5 premières minutes d'introduction, c'est vrai que c'était très bon. Et c'était l'un des matchs de la soirée, à n'en pas douter. Bah, ouais, non, ah, non, mais Bruce, d'abord, avant un peu. Bah, les matchs par équipe, c'est vrai, la TNA, cette année, ont apporté de très bonnes choses. Comme je disais déjà au précédent podcast, avec Sylvain Varini et Grégory Diss, c'est vrai que ça, les matchs par équipe donnent vraiment de bonnes choses. Et puis, les attentes étaient très élevées concernant ce match et elles n'ont pas déçu. C'est vrai que. Bon, l'analyse du déroulé du match, Tifo et Sébastien l'ont très bien faite, donc là, je ne vais pas revenir là-dessus, vraiment. Après, c'est vrai que le fait que Chavo et Hernandez gagnent le titre, ça, c'est une assez grande surprise, même pour le public, parce qu'il y a quand même un gros silence quand ils ont gagné. Donc même, il a fallu que Chavo essaie de relancer en nous sortant un Viva la Raza, bon, voilà. Mais non, vraiment, sinon le match très très propre. Bon, juste un truc, à un moment, AJ Styles, ils l'ont vraiment pris pour matcher dans ce match, parce qu'il y a un moment, il y a Chavo Guerrero, il est tout seul au sol en plein milieu du ring. AJ Styles, depuis la troisième corde, il n'a plus qu'à finir, mais lui, il va aller sauter à l'extérieur. Voilà, ça c'est quand même un peu symptomatique du fait que AJ Styles, non, là, il ne pouvait vraiment pas avoir la ceinture, il fallait qu'il matche. Et je note aussi, superbe travail. Donc de Kurt Angle et des champions par équipe, Daniel et Kazarian, enfin les champions en titre avant ce match, qui ont vraiment fait aussi de très bonnes choses. Ça ne me surprend pas parce qu'ils font partie de la catégorie des matcheurs avec AJ Styles aussi, là, qui font tout le temps des bons matchs. Donc à partir de là, très intéressant. Et un Kazarian qui a vraiment donné de son corps. Hein. Il a laissé quelques petites parties de côte par exemple. Donc vraiment très très engagé et vraiment bon, rien à dire sur la qualité. Ouais. Pour compléter ton commentaire, Brusty, j'ai envie de dire que c'est peut-être un peu la faute à Hernandez là-dessus qui n'a pas suivi, mais aussi pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, AJ en matcheur dans ce match-là, j'ai envie de dire que c'est un peu comme un spot fest, quoi. On va pas chercher immédiatement à finir le match, on cherche à faire plutôt le spectacle dans ce match-là, et je pense que ça a été bien réussi. C'était, je pense, le principal objectif du match. D'ailleurs, cette séquence-là où que tout le monde enchaînait avec ses finishes et ses spots à l'extérieur, ça, c'était magique. Que, clairement, on avait un peu on se rappelle un peu du match au mois dernier, No Surrender, entre AJ et Kurt et contre Daniel Kazarian, justement. Et aussi le match à Slammiversary, qui est aussi un des meilleurs matchs tag team de l'année. Si vous ne les avez pas encore vus, c'est définitivement à regarder pour vos matchs favoris de l'année. Ça, c'est clair que ça va se retrouver dans ces classements-là. Sinon, bah oui, je partage quand même l'avis général. C'était un peu un résultat un peu étonnant. Mais en fait, si on réfléchissait, j'ai envie de dire, Kurt Angle et AJ Styles ne resteront pas toujours en équipe, ça c'est clair. C'est deux catcheurs qui ont énormément de talent et qui peuvent aller facilement au main event, mais qui ont quand même bien fait comme équipe, on peut dire. Ils ont remonté un peu la division. Et Daniel Kazarian, moi j'étais très content de leur travail en tant que Tag Team Champions. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Chavo et Hernandez, qui n'ont pas eu une grosse réaction en Phoenix. Et comme je le disais sur le chat, quand Chavo n'a pas de réaction, ben, tu cites le nom d'Eddie et c'est ta manière d'avoir des réactions. Mais j'espère que l'équipe a quand même réussi à se trouver des bonnes réactions justement à l'Impact Zone et dans les pay-per-view, parce que je pense qu'ils ont quand même un certain talent. C'est une équipe qui a été faite un peu comme ça. On s'est dit un peu mettre deux Mexicains ensemble, quoi. Mais je pense que j'ai quand même été content de leur travail dans ce match-là, dans leur match à Impact. Et j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Je ne m'attendais pas à ce que tu finisses de suite. tout le monde a parlé. Est-ce que vous voulez passer à la suite, messieurs? Oui, Gus. Alors, j'ai oublié de préciser tout à l'heure que le match avait duré 15 minutes et 39 secondes. Et donc, on va passer maintenant au match des Knockouts. Ça a duré 6 minutes et 21 secondes. C'était entre Miss Tastemaker, la championne des Knockouts, et Tara. Tara a remporté ce combat, devient donc à 41 ans championne des Knockouts, tout simplement. Hein. Eh oui, ça c'est bon, c'est une ancienne de la WWE encore. C'est vrai qu'on on peut avoir ce point commun. C'est vrai que Rob Van Damme, il a ouvert donc en prenant le titre ancien de la WWE. Chavo, ancien de la WWE. Et là, Tara, ancien de la WWE. Jeff Hardy, ancien de la WWE. Voilà, oui. Voilà. Donc là, au moins, ça s'est dit, là, ce côté-là. Bon, après, c'était méga attendu à partir du moment où, de toute façon, l'histoire, entre guillemets, tournait autour du fait que Tara devait montrer son fameux copain d'Hollywood qui a fait un total flop. Bon, mais ça, je laisserai à Sébastien le soin d'en parler. Mais leur match précédent à No Surrender avait été concentré au sol. Là, il était plus aérien et j'ai trouvé bien. Testmaker plus à l'aise et vraiment un bon match, honnêtement. Bon match féminin qui a commencé avec un tout petit jeu de chat à la souris, mais après le rythme était bon. Je suis même surpris d'une durée aussi courte parce que je le voyais un peu plus près des 10 minutes, mais non, vraiment bon match. Voilà, bon, juste l'après-match qui était un peu pourri, mais sinon. Le match en même est bon, et puis bonne récompense aussi pour Tara, parce que c'est vrai qu'elle avait une fois ceinture knockout, mais c'était vraiment pourri parce qu'elle devait la refiler à Madison Rayne à l'époque. Alors. Ouais, oui. Tifo, on ne parle pas de Layla cette fois-ci, mais bel et bien de TNA et de Tara et de Miss Tastemaker, et non pas Tastemaker. Ouais, Miss Tastemaker, ouais, j'aime bien. Non, mais ouais, sinon, sans ça, ouais. Bah, je vais parler en comparant ça avec la WWE, en fait, parce que sinon, moi, j'y connais pas grand-chose au knockout. Mais contrairement à la WWE, j'ai trouvé ce match vraiment pas mal. Et c'est surtout que j'ai trouvé que les knockouts, en fait, elles osaient plus de faire des mouvements. Je trouve qu'il y a plus d'intensité dans ce qu'elles font. Enfin, je vois pas trop comment expliquer ça, en fait. Leurs mouvements sont mieux réalisés, on va dire. Et il y a plus de rythme. Ou alors, elles ont tout simplement plus le potentiel que les divas, la WWE. C'est peut-être ça aussi. Ouais, je sais pas, il y a un peu des deux. Là, t'es tombé aussi sur un bon match, sur un gros match. Je sais pas, c'est pas tout bah le ouais, temps. C'est ça aussi, ouais, je me rends pas trop compte. Ouais. Mais bon, mais non, ouais, mais sinon, c'est vrai que. Agréable. Non, mais c'est vrai que t'as raison. C'est vrai qu'elles ont tendance à s'engager quand elles s'y mettent à tienner. Au bout d'un moment, les divas, les knockouts, elles en étaient réduites à faire le tapin, laver une voiture en bikini, il me semble. Ouais, mais elles ont toujours eu une bonne représentation quand même, et il y a même eu un moment, justement cette année, un peu plus tôt, beaucoup plus tôt dans l'année, il y a quand même eu un match qui était un main event dans l'épisode d'Impact. Il y avait eu Tara d'ailleurs, contre Mickie James. Ah oui, je me rappelle. On en avait parlé d'ailleurs. Ouais, je me rappelle de ça, ouais. Pas de réaction sur Facebook. Apparemment non, j'ai bien relu. Non, pas de réaction donc. On va pouvoir passer au match suivant, j'ai pas trop envie de m'attarder sur les knockouts. Non, mais c'est. Je pensais, je sais pas, la réaction de Sébastien sur le copain de Tara qu'on n'a pas révélé. Bon, on s'en fout, ça, je me joue. C'était un flop total, hein. Je crois que personne ne le connaissait vraiment. Il s'appelait Jesse, le gars, personne ne le connaissait. Mais ouais, à part... Jesse, so au début, j'ai... Mais tu le connais plus parce que, comme tu le disais déjà, que ce serait lui, c'est pour ça que je m'interroge. Au début, j'ai compris que c'était Jesse Sorensen, mais non, c'était pas lui. Il est pas Hollywood, non. Ah, mais en fait, non, c'est à l'hôpital d'Hollywood, oui. Non, mais il a fait Hollywood dans le porno, lui, non? Parce que son nom. Ouais, j'avoue, il a une gueule d'acteur porno. C'est une star, entre guillemets, d'un programme similaire à Jersey Shore. Oh, oula, oui, d'accord. Donc, c'est un programme. Ah, c'est Snooki en garçon. Voilà, exactement. C'est les ch'tis à Mykonos, quoi. Ah, oui. Et Tara qui joue la cougar, donc. Bah, elle a raison. C'est ça. Moi aussi, j'aimerais bien que Tara s'occupe de moi. Enfin, la Vicky, en quelque sorte. Hein. C'est vite dit, là, oui. J'avoue. Ah, mais d'accord, mais MP nous dit qu'il a fait Big Brother. Donc, Big Brother, c'est l'équivalent de notre Secret Story à nous. Super. Donc passons au match suivant. Match par équipe entre Sting et Bully Ray et les Aces and Eight, les deux As de 8. Match sans disqualification. J'arrive pas à lire la stipulation parce que c'est en anglais. Ben, c'était sans disqualification. Voilà. Si les deux As de 8 perdaient le match, ils étaient exclus de l'Impact Zone. Ça a duré 10 minutes. Et à l'inverse, oui, pardon. Et à l'inverse. Et, du coup, et à l'inverse, s'ils gagnaient, en fait, ils avaient l'accès total. Ça, on s'en fout, parce qu'à mon avis, ils avaient déjà l'accès total à l'Impact Zone. Non, donc, mais c'était ça, c'était plus le match. Donc, ah, il y avait une autre stipulation aussi, c'est que Hulk Hogan ne pouvait pas intervenir dans le match. Ah oui, c'est pas marqué sur l'affiche. Et autre stipulation. Il y a une stipulation dans ce match, les gars. Joseph Park qui devait être rendu en échange du combat. Mais c'est ce qui s'est passé, hein. Bah, il s'est rendu tout seul, à vrai dire, hein, parce qu'il s'est libéré tout seul, en fait. À mon avis, ça va laisser place à un retour d'Abyss dans pas très longtemps, vous allez voir. Alors, tu vois, j'essaye de placer quelque chose depuis tout à l'heure, c'est que les deux As de 8 ont gagné. Voilà, ça s'est dit. Et je vais donner la parole donc à... Qui c'est que... MP. À MP, tiens, monsieur MP, monsieur le Canadien. Eh oui, je vais encore partir pour une analyse de 5 minutes, mais... oui, comme Tifo l'a dit sur le chat, je vais partir en monologue, mais je vais essayer de partir court. Je vais faire du match... café, qui c'est qui en veut. C'était un match quand même qui était plaisant à voir. Je dirais pas que c'est un gros match sur le show, mais c'est un match qui est plaisant à voir avec... Tout le monde s'attendait à ce que Bully Ray tourne contre Sting pour se révéler le chef des Aces and Eights, mais c'est finalement Devon qui fait partie des Aces and Eights, peut-être pas le chef, mais bon, apparemment, il a été révélé comme membre des Aces and Eights après la fin du match. Je crois pas que ça avait été dit dans ce que Gus a dit, donc je l'ai dit comme ça. Non, je l'ai pas dit. D'ailleurs, je voulais dire quand même, oui, ça. Donc, à mon avis, Devon sera le chef des Aces and Eights. Non. Oh, calme-toi. J'avoue. Calme-toi. Hein, tu te calmes. C'est vrai que je ne donne que mon avis, monsieur Brousty. Oula, pardon, mon avis, je vais arracher le micro. Oh, il m'a engueulé, j'y crois pas. Oh, le vieux, calme-toi. Il est fou. Non, à mon avis, donc, Devon, c'est parfait. Du coup, maintenant, ça serait parfait qu'il soit le chef, vu qu'il y a une histoire comme quoi il s'était barré et tout ça. Là, s'il n'est que membre, qui n'est même pas chef des Season 8, je vois pas l'intérêt pour lui. Moi, je pensais vraiment que Bully Ray allait trahir Sting. Mais honnêtement, quand t'as vu Bully Ray se pointer au tout début du match, t'as cru qu'il allait trahir Sting. Ah, c'était sûr. Avec sa peinture, là, au visage. C'est obligé. Oui, c'est surtout ça. Moi, quand je l'ai vu débarquer, je me suis foutu de sa gueule. Bah, je sais pas, c'était... Non, mais la peinture au visage, moi, tu sais, là, je me suis mis à penser, en fait, que ce serait Sting qui ferait celui qui trahirait. J'y ai pensé. Sting, en fait, Bully Ray, de toute façon, ça a été cramé rapidement pour moi. Ou alors, vraiment, il fallait être très ingénu. Attends, Brossi, je vais donner mon avis. Si tu t'avais pas introduire Sting au Hall of Fame de la TNA et le tourner Hill le soir même, c'est complètement débile. Non, mais ça veut rien dire sur la TNA, elle est pas une incohérence près, de toute façon. Pas une incohérence près, mais d'accord, mais là, il y a des trucs qu'il faut pas abuser, quoi. Ouais, bah non, mais là, je sais pas. Non, mais moi j'y ai pensé. Je pensais vraiment que Bouliré. Parce que Sting n'a pas été si maltraité que ça dans la rivalité avec les deux As de 8, là, jusque-là. Donc, non, moi, je m'attendais vraiment à voir Bouliré détruire. Trahir Sting pendant le match. Quoi. Finalement, c'est lui qui prend le tombé après un choc slam sur la table. J'ai envie de dire, ça semblait trop évident que ce soit Bouliré, quoi. Ouais. Justement, c'est plutôt une bonne surprise. La TNA arrive à nous surprendre, c'est plutôt cool. Ah ben ça, j'ai hâte de voir par contre les talents au micro que Divana pour peut-être, si jamais il est chef, mener le groupe. Parce que c'est pas quand même. Dans le combat, l'ancienne superstar de la WWE, Luke Gallows, était l'un des deux catcheurs masqués. Du combat officiel. Oh, mais ça, depuis le début, il avait fait un match contre Austin Harris à No Surrender aussi. Donc, oui. Et le deuxième, c'était Mike Knox, apparemment. Non, c'était pas Mike Knox. J'ai lu ça quelque part, mais c'était pas Mike Knox. Tifo. Oh, bah, honnêtement, j'ai rien compris en fait. Moi, mais sérieux, j'ai rien suivi avant. Je vois un clan masqué débarquer, un mec qui se fait attacher à des barrières avec une menotte. Enfin, ouais, j'ai rien compris. Ça se comprend, c'est sûr. Tu débarques cru là, comme ça va avoir vu une image avant. C'est sûr que là, tu sais quoi ce bordel? Ouais, il y a deux mecs, il y en a un autre qui arrive, il y en a encore un autre. Il y a eu le coquin qui arrive à la fin, c'est quoi ce Vince? Mais ouais, bon, sinon le match, c'était correct, mais ça m'a pas emballé. Ouais, voilà, c'est ça. Par contre, maintenant, dès que je vois Hulk Hogan, j'ai l'image de sa sextape en tête, c'est horrible. Petit cochon, moi, je n'ai même pas voulu la voir, ce truc. Non, mais moi, j'ai juste vu une image, tu vois. Ah, moi, j'ai même pas voulu chercher à comprendre, à voir l'image, mais je vais pas la voir. Non, mais je sais plus, sur un site, j'ai vu une image JPEG et tout, et puis maintenant, j'ai l'image en tête. Ah, sur quel genre de site, Tifo? Oh, je sais plus, t'as un site de catch en plus. Hein. C'était sur Catch Arena? Vincent Gaston. Ouais, mais je ne suis pas sadomaso. Donc je voulais. MP, est-ce que tu avais fini ton analyse tout à l'heure? J'ai juste un truc que j'avais oublié de dire. Vas-y. J'ai bien aimé le maquillage presque Road Warriors, Legend of Doom esque de Bouliré. J'ai bien aimé aussi le petit Doomsday Device avec Sting aussi. Je suis seul à avoir remarqué ces références ou... Oui. Non, mais faire à part le maquillage, pour moi, c'était plutôt Ultimate Warrior. Mais bon, je sais pas pourquoi. Mais après, il y a un truc bizarre quand même. Le match sans disqualification, quand même, les mecs, ils étaient bien. Pendant une bonne majorité du match, en tout cas, ils étaient. C'était les règles traditionnelles du match par équipe, quoi. Enfin, taper dans la mer pour un truc sans DQ, quand même, c'est bizarre. C'est un peu con, en effet. C'était vraiment très... Ils auraient pu faire un tornado match, quoi. Ils sont cons. L'objectif de cette partie du show, c'était plus de faire ce que j'appelle un match segment. C'est pas vraiment un véritable match, et surtout pour faire avancer l'histoire et la storyline. Oui, voilà, parce que c'est vrai que l'après-match, il a plus d'importance que le match en lui-même. Parce que c'était tellement couru que ça allait se finir comme ça déjà. Même Bouliré passait à travers la table, parce que justement il avait fait passer Daniels à travers la table 3 jours avant dans la TNA. Ils se sont pas foulés, ils ont mis l'inverse, quoi. D'ailleurs, ça me rappelle que j'ai conclure peut-être la discussion sur ce match-là. J'ai dit bonne fuglerie, c'est dans mon analyse sur mon analyse, mon petit message sur wrestle.fr dans le topic bonne fuglerie, que bonne fuglerie, c'est le show où finir des rivalités et où en continuer aussi. Et je pense que ce machin illustre un peu mon opinion là-dessus, parce que SZ Nate contre Sting et Hogan, et le clan TNA plutôt, cette rivalité-là va continuer. Ça, c'est juste un nouvel élément, comme Seb le disait, dans cette rivalité-là. Oh, on est loin de l'affaire. Hein. Pour moi, leader n'est pas révélé, il n'y a qu'un seul membre qui est vraiment connu. Et donc, à partir du coup, de là... c'est Divon. Mais Divon est... Et Lou Gallows que tout le monde a cramé depuis très longtemps. Oui, c'est différent, mais bon. Alors, je vais donner l'avis donc de Del Rio El Patron, qui nous dit Hogan qui déconne tout le clan à coup de droite, alors que juste avant Sting et Ray font tout pour les battre. Lol, waouh, vive la crédibilité, ridicule. Et bon, Mathieu Hebdo. C'est la séquence attendue. Oui. Oui. Mathieu Hebdo nous parle donc également. Après, enfin Mathieu Hebdo nous dit après j'ai hâte d'un un match un roster TNA versus 2 as de 8 parce qu'un match tag c'est pas suffisant. On veut en voir plus. C'est pas faux, ouais, pourquoi pas. J'aime bien on en verra plus. On peut te rassurer, on en verra plus. Oui, c'est sûr. Mais je me demande même si ça va pas durer tellement longtemps que ça peut pas s'achever à lockdown. Voilà. Traditionnellement, l'état de lockdown et puis on règle l'affaire, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pas bête. En avril. Pourquoi pas. Ouf, ça fait loin. Non. Attends, je sais plus, lockdown, c'est en mars. Non plus. C'est en avril. Ouf, ça fait loin. Oh, bof, c'est à 3-4 pay-per-view. Ouais, ils y arrivent à faire durer. À l'époque, ils avaient fait durer tellement longtemps, Ivy 2, par exemple. D'ailleurs, the best wrestler in the world, Garrett Bischoff, a participé vite fait au segment. Il avait pris place d'un membre des 2 as de vie. Mais bon, ça se voit que c'est pas lui qui a fait passer Bully Ray à travers la table. Non, je ne pense pas. C'était bien Divonne. Non, c'était bien Divonne. Oh, c'était plutôt cool, d'ailleurs, la réaction de Bully Ray quand il voit Divonne sous le masque. Ah oui, non, bluffant, là, les regards et tout, ouais. Et Divonne, là, qui sort fort, d'ailleurs, de, mine de rien, de l'affaire. Ouais, mais c'est surtout de voir Divonne alors qu'il était sans contrat, quoi. La TNA nous a bluffé en nous sortant de Divonne, quoi. C'était peut-être un joli work en réalité. Ça fait un contrat, ouais, à mon avis, il a dû se re-signer et personne n'en avait parlé autour d'Athéna. C'était un beau work, bien joué de la part d'Athéna, quoi. Bah oui, d'ailleurs moi, bon, mais en parlant de work d'une personne qui aurait re-signé, il y a là c'est du HS un peu, mais il y avait Velvet Sky qui est revenu aussi à TNA. Oui, et la TNA ne communique pas beaucoup sur les arrivées, les retours et tout. Matt Morgan aussi, on faut suivre comme un arraché, The Show, pour savoir qui était là. Sinon... Oh oui. Et juste une mention spéciale encore à Bully Ray qui, en l'espace d'une semaine, a réussi de passer du catcheur le plus détesté au catcheur limite le plus populaire. Il faut vraiment être fort pour faire ça. Ah, c'est vrai, c'est bluffant d'un coup de finir en babyface l'après-match. C'est peut-être effet Sting aussi. Un peu aussi, peut-être. Ouais. Ça doit jouer, il s'est laissé emporter, oui. Bah, à l'exemple de Hulk Hogan l'année dernière, exactement pareil. Ouais. Allez, messieurs, est-ce que vous voulez passer au main event, au truc qu'on doit appeler main event? Attends. Au truc qu'on doit appeler un main event. Non, dis-le d'un temps neutre et après dis ton analyse, voilà. Parce que après, chacun ne fait rien. On va passer au main event de cette soirée, messieurs, c'était génial. Alors, ça a duré plus de 20 minutes, 23 minutes et 3 secondes. Je bois un coup avant de finir parce que j'ai un peu soif. Ouais, de l'alcool, ouais. Non, c'est de l'eau. C'était entre le champion du monde poids lourd Austin Aries et Jeff Hardy, et malheureusement pour moi, Jeff Hardy ou l'autre là, l'autre drogué de merde, a remporté le titre. Alors j'ai regardé le match, alors j'ai voulu le regarder d'un air intéressé parce que c'est Hardy, j'y ai pas arrivé, c'est plutôt cool à voir, et je me suis fait chier durant le combat, hein. Moi je me suis vraiment fait chier, ça veut dire que j'y ai arrivé. Mais tu n'es pas arrivé à avoir l'air détaché. Ah non, bah attends, il y a Aries, j'adore Aries, c'est un catcheur qui m'intéresse beaucoup dans Henry, mais le combat m'a fait chier. Je me suis emmerdé devant ce combat. Désolé, pourtant, mais là, ça manque de crédibilité, honnêtement. Je me suis vraiment emmerdé pendant ce combat. Il n'y avait pas de rythme, c'était lent. C'était pas un bon combat pour moi. C'est le meilleur combat de Jeff Hardy depuis plus d'un an. Ah ben oui, non, mais. Facilement. Oula, même plus. Ouais. Et moi, Jeff Hardy, son combat-là, je le place facile. Hein, non, mais 10, je me suis vraiment fait chier. Je tiens à dire que je me dissocie encore une fois des propos de Gus. Non, mais je me suis ennuyé durant ce combat. J'adore Aries dans un ring. Alors, les deux top suicida, la spectaculaire souplesse réussie par Jeff Hardy. Elle était magnifique. L'enchaînement d'Austin Aries, ça, c'est de la merde. Le neckbreaker. J'ai pas réussi à m'intéresser réellement. Ben voilà. Justement, t'as pas réussi à faire abstraction de ta haine pour Jeff Hardy. Non, c'est pas ça. Je m'en suis foutu de Jeff Hardy durant le combat. J'ai même apprécié sa musique d'entrée pour dire je me suis fait chier. Ah oui, nouveau thème. Je me suis fait chier. C'était un panachage, on va dire, de plusieurs thèmes, mais c'est un nouveau thème quand même. Oui, bah, je me suis vraiment ennuyé, quoi. Pour le thème, non. Non, mais je suis honnête, quoi. J'ai essayé de regarder, je me suis fait chier. Chacun ses goûts, ouais. T'es réfractaire à ce genre de style. Il y en a qui aimeraient back, hein. Il y en a qui aiment mieux. Je me suis emmerdé. Hein. pense que si t'es vraiment réfractaire à Austin Hardy. Je me suis vraiment plus éclaté en regardant James Storm, Bobby Roode que Jeff Hardy aussi. Oui, bon, merci la comparaison. Non, mais, mais va comparer autre chose. Là, tu dis que c'était vraiment un combat de merde. Donc... C'est... Non, j'ai pas dit ça. C'est des matchs qui ont été notés à peu près la même note. T'as dit, je te cite, c'est pourri, voilà. Non, moi je me suis fait chier. Ben, moi je l'ai trouvé pourri, oui. Je me suis fait chier, j'ai pas l'adulé le combat. Sur 10, tu mettrais combien ce match? Ah, pas. Allez, 4,5, pas plus. Je me suis non, pas la moyenne, voilà. Non, c'est ce que ça veut dire. Ouais. Je me suis ennuyé. Vraiment? Sinon, on est là, nous. Oui. Ah, tu te nounois. Parce que nous, on s'est pas ennuyé en fait. Ben, moi, je me suis ennuyé, tiens, Tifo. Voilà, toi. Ouais, bah moi déjà, moi j'aime bien, j'adore Jeff Hardy en fait depuis la WWE. C'est grâce à lui que j'ai commencé à aimer le catch, donc ouais, j'aime toujours, même avec ses histoires de drogue. Enfin bref, moi ce match, techniquement, j'ai trouvé ça très bon. Ok, Gus, je suis d'accord avec toi sur le rythme du match, il n'était pas énorme. C'était correct, mais je trouve que tout s'enchaînait très bien. Et à force, le match est monté encore une fois crescendo. Et sur la fin, c'est devenu du très très bon. Donc moi, au final, j'ai vraiment pris mon pied. Et puis, bon après, sur le résultat, j'y reviens pas parce que j'apprécie les deux catcheurs. Puis, enfin après, je regarde pas assez la TNA pour juger, même si d'après les critiques, le titre a été donné à Jeff Hardy pour qu'il reste justement à la TNA. Donc j'ai pas trop d'avis là-dessus, mais moi c'est vraiment le match, moi il m'a vraiment plu, donc non, je comprends pas trop ton avis, Gus. J'avais coupé le micro. Non, mais je me suis... J'ai essayé de m'intéresser, j'ai voulu regarder le combat, vraiment, pour être le plus objectif possible, et je me suis fait chier. Voilà, c'est tout, je me suis ennuyé durant le combat, comme tu l'as dit, le rythme n'est vraiment pas bon, c'était lent. C'est pas le non, j'ai pas dit que c'était pas bon. C'était pas énorme, d'accord. Il y avait un peu de rythme, avis. Mais... C'est mon avis. Toi, tu l'as trouvé bon. C'est... Oui, il doit y avoir que moi qui l'ai trouvé pas bon. Moi, je me suis ennuyé. Sébastien. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié le combat. Hein. Je pense que Jeff Hardy, c'est un de ses meilleurs matchs de toute sa carrière, quasiment, comme Bruce Lee l'a dit avant. Bon, c'est vrai qu'il est porté le combat principalement par Austin Aries, mais ça reste quand même un très bon main event. Hein. C'est aussi la première fois depuis 3 ans ou 2 ans que Bound for Glory se finit proprement. Et c'était ce que je disais la semaine dernière à Impact Wrestles. Je voulais absolument que les choses finissent proprement. Et j'ai été entendu par la TNA, donc ça fait du bien de pouvoir finir un show correctement pour une fois. Oui, ben, je vais rejoindre tout le monde, sauf Gus. Mais j'ai aussi bien aimé ce combat-là. C'était un très bon main event. Peut-être, comme Bossy le disait tout à l'heure, peut-être un peu en dessous quand même du Bobby Roode contre James Storm, parce que Bobby Roode contre James Storm, c'est une grosse fin de feud. Et là, c'est un programme d'un mois entre Jeff Hardy et Austin Aries. Sinon, ben, j'ai envie de dire, on n'a pas encore trop parlé, mais j'ai envie de dire, j'ai pas vraiment de problème avec le fait que Jeff Hardy prenne le titre en ce moment. Jeff Hardy, plus grande valeur sur le monde du catch, il doit faire probablement plus de ventes que Austin Aries, côté vente de t-shirts, marchandises, en tout genre. C'est une valeur sûre pour Athena. Tandis que Austin Aries, c'est une star un peu en devenir. Puis malheureusement, je l'ai dit aussi sur Money, sur SL.fr, je fais encore une petite précision là-dessus, sur ce que j'ai écrit. Selon moi, Austin Aries, n'a pas eu cette chance-là de se prouver en tant qu'Athena. Avec cette ceinture de champion-là, parce que nous seulement depuis juillet, avec un fantastique match contre Bobby Roode lorsqu'il l'a gagné, il n'y a pas eu un long règne pour prouver qu'il pouvait avoir cette position-là à TNA, malheureusement. Mais parce que souvent, c'est Ford qu'il y a eu, par exemple, contre Bobby Roode, par exemple, ça c'était sa plus grosse feud qui continue aussi à Hardcore Justice. Après ça, il y a eu son match au milieu de No Surrender contre un mec des Season 8. Ces matchs-là ont été souvent un peu oubliés parce qu'il y avait des gros programmes contre, comme les Bonfire Series, justement, là avec les Season 8. Donc voilà, je pense que Stenaris n'a pas eu cette chance-là, malheureusement, de se prouver. Mais je respecte la décision de Jeff Hardy. Finalement, aussi, je vais revenir sur les gros spots de match. Est-ce que je suis seul à avoir un peu, je ne vais peut-être pas me lever de ma chaise, mais de vraiment faire un gros, pas what the fuck, mais presque, quand j'ai vu le neck breaker sur la rampe, sur le côté de la rampe. Ouais, pareil. Ah oui, on est d'accord. Ah, oui, c'est, oh la vache. Ouais. Un gros moment. Et ah oui, moi je me demande comment il s'en sort indemne. Je sais, il a peut-être eu des séquelles, j'en sais rien, mais c'est violent quand même. Ah oui, dans l'engagement là sur le coup, la vache. Puis et puis aussi le Hurricane Rana depuis plus haut que la troisième corde, oui. Voilà. Impressionnant. Il y a eu le gros combo aussi à la fin là, le drop kick dans le coin, le brainbuster. Ah oui, tout cet enchaînement, oui, voilà. Ah, moi, c'est vraiment la superplex moi, de Jeff Hardy, là. J'ai trouvé vraiment magnifique, quoi. Ah oui, non, ça... ouais, non, c'est vrai que... Et puis le travail d'Harris aussi, là, sur le coup. Et tout, oui, également, oui, de toute façon, techniquement, c'était très bon. Régal, vraiment, sur ma chose, je dirais, les 10 dernières minutes, 10-15 dernières minutes, là, ça s'enchaînait très bien. C'est un match qui avait vers la fin, là, c'était... À son apogée de son rythme, ça s'enchaînait comme un match presque, je dirais pas parfait, parce que selon moi, il n'y a jamais un match parfait presque dans la lutte. Mais, je veux dire, c'est vraiment un match qui s'enchaînait très bien. Puis pour moi, qui est un des meilleurs matchs à Athéna cette année, ça c'est clair, là, avec Stenaris contre Bobby Roode à Destination X. C'est aussi qui était parfait, je trouvais, du côté comment ça a été bâti, ce match-là. Donc, juste pour finir mon analyse, c'est un de mes matchs de l'année, ça c'est clair. Puis j'ai vraiment adoré ce show-là. Puis, on va passer une note après. Peut-être que Bruce aussi a quelque chose à compléter pour l'analyse du match. Bah, pour l'analyse, juste que Austin Harris, il fait vraiment partie de cette race des matchers, encore une fois. Hein. Ça aurait été la constante du show. Laisser la place aux matchers aussi de faire leur boulot. Et pour moi aussi, évidemment, je suis un peu déçu qu'il y ait un mec que Jeff Hardy ait le titre, il faut être honnête. Je ne suis pas hyper ravi, mais bon, c'est comme ça après tout. Mais je préfère que ce soit dans ces conditions-là que la dernière fois, par exemple. C'est sûr. Parce qu'à l'issue d'un de ses meilleurs matchs de sa carrière, déjà, ça, voilà, ça rend plus d'éclat. Quoi. Bon, mais après, j'espère qu'ils ne vont pas faire redescendre Austin Harris et qu'ils vont le laisser graviter quand même un peu autour du titre. Sans doute un rematch à Turning Point, il faut imaginer. Donc, on verra bien ce qui va se passer après. Bon, moi, j'espère qu'il ne va pas redescendre parce que ce serait immérité. Quoi. Tellement, il fait du grand boulot depuis plus d'un an. Quoi. Donc, à partir de là, ce serait dommage quand même. Toute cette ascension pour redescendre après... Ouais. On verra bien. Bah, y a Vincent, je crois, qui voulait dire un mot, il me semble, s'il a le micro ou pas. On va saluer Vincent, qui est là. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de Vincent, avec lui, là, j'ai commenté, va bientôt sortir, justement, le Austin Harris contre Jeff Hardy pour Instant Catch. Qui sortira sûrement ce week-end. Donc, bonjour à tous, je fais une toute petite apparition pour parler de ce main event, car c'est le seul match que j'ai vu. Donc, c'est un bon match. Pour moi, c'est le meilleur de Hardy depuis son retour. En septembre dernier, je lui mettrai à peu près 4 étoiles. Donc pour ceux que ça parle, c'est un bon match, même si je pense qu'il est meilleur cette année. Et aussi, je me demande aussi comme Bruce Lee, ce que va faire Harris après, parce que forcément il y aura un match revanche, mais après le match revanche, je ne sais pas trop vers quelle direction il va partir. En tout cas, c'est sûr que j'aurais préféré un titre gardé par Austin Harris, mais en même temps, il faut comprendre la TNA. Jeff Hardy champion de la TNA, ça doit vendre plus au niveau international que Austin Harris. Salut à tous. Tu peux retourner sur la table. À la secrétaire. oui. Non, voilà, bah, je ne sais pas s'il y a d'autres avis sur le match ou le futur, mais je crois qu'on va pouvoir passer au... Ah oui, L'avis de des internautes. De Yohan, alias Lord Snow, là, sur Wessels, qui a dit bon match, et bien que je ne sois l'un des. Je vais lire. Bon match, bien que je ne sois pas l'un de ses fans, le titre devrait parvenir à Hardy, surtout dans le main event de Bound for Glory où les trois quarts du public sont pour Harris. Là aussi, les affaires en interne en brillent dessus. On a le sentiment que le contrat d'Hardy a eu son mot à dire dans le résultat du match 4 étoiles. Alors, les analyses de nos fans. Alors, on a Mathieu Tavernier qui nous dit pas mal, mais c'était sûr que Jeff allait gagner, je n'étais pas surpris. En fait, c'était à prévoir qu'il devait remporter le titre pour qu'il y ait renouvellement de contrat. Et on sait tous que Jeff est bien la TNA et qu'il ne reviendra sûrement jamais à Stanford. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'il dit. Notre copain du Taker de Wrestles nous dit un bon show en général, quelques résultats foireux. Oui, je suis d'accord avec lui. À savoir les deux changements de titre à but politique, Jeff et RVD, dont les contrats arrivent bientôt à échéance. Mathieu Ebo, il nous dit. Alors, je vous promets, c'est pas moi qui est sous le pseudo de Mathieu Ebo. Double compte. Alors, je vous promets. Et alors, il a dit, il y en a marre que les titres majeurs de la TNA aillent un drogué. Voilà. Qui s'est même pas catché en plus. Ouais. Oh. Oh, ça, c'est... Gus sort de ce corps là. Un petit peu sévère. Non, attends, j'arrive à reconnaître que Jeff Hardy il a du talent et qu'il a fait des grosses prestations déjà. Mais voilà quoi. Tu influences un peu trop de fans. Oui, mais au moins j'influence. Oui, parce que c'est vrai que s'ils suivent les posts et tout, c'est sûr qu'ils sentent. On a bien sûr Del Rio El Patron, notre auditeur plus que fidèle. Alors il nous dit le combat. Alors attends, je cherche parce qu'il y a beaucoup de choses à écrire. J'ai bien estimé un risque entre Jeff Hardy, même s'il n'y a rien vraiment mémorable au final. Bon match tout de même. Donc si le Bound for Glory est le vrai semaine de la TNA, j'ai dit lol. On va pouvoir passer aux notes avec celle de Tifo, je pense, sur 10. Moi je mets ça sera très simple pour la note. Je vais donner un 8.5 parce que c'est la note que j'ai donnée à WrestleMania dans mes souvenirs. En tout cas, j'ai pas réécouté le numéro, mais d'après moi, j'ai donné 8.5. Donc, je donne la même note à Bonne Foirie que j'ai autant apprécié que ça a été de WrestleMania Zener, qui ont été pour moi de la même qualité. Donc, 8.5 tout simplement. Brousty. Bah, 8,5 aussi, là je suis tout à fait d'accord avec MP, là où la TNA est habituée parfois à ne pas faire des fin de match corrects, là ça a toujours été hyper clean de bout en bout, rien à dire. Bon, parfois c'est sûr quelques vainqueurs qui m'ont un peu moins plu, mais le contenu in-ring est vraiment très bon, il y a eu d'excellentes surprises, tout le monde était bien à fond, beaucoup d'engagement, c'est même un peu Paperou qui est allé jusqu'au bout des 3 heures, ça c'est très rare. Et enfin, les clips vidéo très bien faits, les interviews aussi, donc le tout, ma foi, vaut un très bon 8,5. Ouais. Sans doute le pay-per-view de l'année même. Hein. Oui, pour côté TNA, c'est sûr. Mais... quant à moi, ça sera un 7. Un bon 7, hein, malgré un main event pas trop à mon goût pour ma part. Le reste du show est plutôt cool. J'ai bien aimé le 2 As de 8 contre Sting et Woolly Ray. Le combat pour les titres par équipe aussi est également bien mené. Le James Storm Bobby Roode est épique. Les deux openers sont plutôt bons à regarder aussi. Donc un bon set pour moi. Pas au niveau de WrestleMania, mais acceptable. C'est plutôt une bonne donc, note. Voilà. 7. Voilà. Donc sur 5, ça fait combien à moyenne? Alors, attention. Moyenne de 7,8. Ah ouais, grosse moyenne. Hein. Bah, Destination X avait été aussi très bien noté. Donc, je sais plus. Mais un petit peu en dessous. Il me semble qu'il était à 7 ou 6,5 par là. Mais non, mais vraiment, ça confirme que la deuxième partie de la TNA est vraiment très bonne. Donc, enfin, au moins pour les pay-per-view, parce que c'est vrai que les shows, ils ont un rating très déclinant. Et ça, c'est vachement inquiétant quand même. Mais bon, il faudra voir comment ils gèrent ça. Fait. Et voilà, je vais pouvoir déchirer mes papiers de Bound for Glory, monsieur. Voilà, vous avez entendu. Allez, c'est donc parti. On va pouvoir passer à l'extérieur. Oui. On va pouvoir se quitter après les partenaires, bien sûr. Bah, bien sûr, oui. Et oui, Vox Catch, la Wrestling Evolution League qui fait une petite pause. Elle sera de retour début le 8 novembre. Elle sera de retour. Là, elle va procéder à une partie rénovation de son forum. Donc, allez vous inscrire. Pour vous inscrire, c'est simple. Achetez le jeu WWE13 si vous voulez participer sur PlayStation 3. Voilà, je fais un petit peu la promo de ce forum-là parce qu'il est en train de... Non, on est complètement... Enfin, la saison 4 est terminée. Donc, si vous voulez vous inscrire, ne venez pas tout de suite. Venez plutôt aux alentours du 1er novembre, à peu près. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a le Tumblr. Donc, wrestlesradio.tumblr.com. Bien évidemment, Twitter, notre page Twitter, effectivement. Oui, bah attends, laisse-moi finir. FN Lutte, Cahier du Catch. Tu sais, j'ai pas tout en tête, mais aussi, tu sais, il y en a beaucoup. Instant Catch, oui. Et voilà, hein. Ça y est. Bah ouais. Oui, alors on va vous parler. Vu qu'on va pas faire de podcast avant un petit moment, maintenant bien 15 jours, on va lancer un nouveau podcast. Ça va s'appeler Vintage Wrestles Radio. Et on commencera par commenter. Alors, on ne sait pas trop encore. Soit le Survivor Series de 2002, soit le Survivor Series de 2003. Donc, j'espère que vous serez nombreux à venir écouter le podcast. Et laissez-nous vos avis sur la page Facebook de l'émission. Et vous pourrez, pourquoi pas, avoir vos avis dites à l'antenne. On est bien sûr diffusé sur iTunes, me le fait rappeler MP, j'ai du mal, hein, il est tard, il est 11h moins 10, j'ai beaucoup de mal. Alors le Twitter de Tifo qui est parti, c'est El Tifo, Vincent Wacho, c'est donc Wacho Vincent, Bruce T, c'est Phililand, MP, c'est Maxime Poulain, je crois, WR Maxime Poulain. C'est ça, oui. Et Sébastien, c'est Rika Lewis 67. Je crois qu'il poste toujours pas de. Si, erreur. Ça y est, il a tweeté à Magnus. Oh. Oh. Eh oui, de temps en temps, je tweet maintenant. Je m'y mets petit à petit. Voilà, enfin. Bon, mais voilà. Donc, les prochains rendez-vous, ça va être quoi? Début novembre, ça sera le débrief de Hell in a Cell. Le débrief de Hell in a Cell, effectivement. On sera en compagnie de quelqu'un. Une petite surprise, hein. On va pas vous le dévoiler ici, on vous dévoilera ça, allez là, dans 15 jours, au moment d'enregistrer, on vous dira avec qui on est. Voilà, ça c'est et dit. Pour la ouais. Et pour la TNA, donc dans un mois, Turning Point. Voilà. Exactement, donc prochain peu paru de la TNA. Bon messieurs, ça y est, c'est fini. La la la la la la la la la la la la la. C'est pas mal. Un 8 Oh, le mec il s'autonote. Oh, l'école des fans. Oui. Allez, ciao tout le monde, salut à tous. I am a dying breed. shit.